إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول ربنا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون بالعبادة Allah Jalla wa Ala nous dit dans son noble livre, dans un verset dont le sens est « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, Ibn Abbas radallahu anhuma a dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient avec l'adoration et qu'ils me vouent un culte exclusif à moi seul, sans associé. » والعبادة أيها المسلمون هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Chers musulmans, l'adoration, c'est toute chose qu'Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles, apparents ou cachés. معاشر المؤمنين إن التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه وقطب رحاه وذروة سنامه عليه نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وعصمت به الأنفس وانفصلت به دار الكفر عن دار الإيمان وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي شيخ خويا le monothéisme qui est التوحيد c'est le début et la fin de la religion c'est le sens apparent et caché de la religion C'est le centre même autour duquel tourne toute la religion et c'est le pilier même de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour la cause du Tawhid que la direction de la prière a été établie. C'est par la cause du Tawhid, ou c'est sur le Tawhid, que la communauté a été bâtie et construite. C'est par le Tawhid que le sang des croyants, les âmes du croyant ont été préservées. Et c'est par le Tawhid que la demeure de l'islam a été séparée, ou plutôt que les contrées de l'islam ont été séparées des contrées de la mécréance. Et c'est par la cause du tawhid que les gens se divisent en heureux et en malheureux. Et c'est par la cause du tawhid que les gens se divisent en bien guidés et en égarés. وَلَقَدْ كَانَ الدَّعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ الْأُولَى الْأَمْرُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ الْقَضِيَّةُ الْكُبْرَى قَالَ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Et la prêche de tous les prophètes, du premier au dernier, était basée sur le tawhid, sur le monothéisme d'Allah Azza wa Jal. C'est donc l'affaire la plus grave. C'est même l'affaire principale, le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le sens du verset, en effet nous avons envoyé dans chaque peuple un messager afin de leur ordonner d'adorer Allah et de s'écarter des fausses divinités. Allah Jalla wa Ala nous dit dans un autre verset, dont le sens est « Et nous n'avons pas envoyé avant toi, ô Muhammad, un messager. Et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager. » وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Et demande, ô Mohammed, au messager que nous avons envoyé avant toi, avons-nous ordonné d'adorer autre que le miséricordieux ?« وَكِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّهُ حَدِيثٌ عَنِ التَّوْحِيدِ وَبَيَانِ حَقِيقَتِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَتَعْلِيقِ النَّجَاةِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدَّارَيْنِ عَلَيْهِ القرآن فيه حديث عن أهل جزاء التوحيد عن جزاء أهل التوحيد وكرامتهم على ربهم كما أن فيه حديث عن ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى وبيان حال أهله وسوء منقلبهم في الدنيا وعذاب الهون في الآخرة قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Le livre d'Allah Azza wa Jal, du début à la fin, il ne parle que du tawhid d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En effet, le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, soit il parle de la réalité du tawhid et de l'invitation à celui-ci et du bonheur ou du malheur qui est lié au suivi ou du rejet du tawhid. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous raconte également le bon devenir ou la mauvaise fin de ceux qui suivent ou qui rejettent le tawhid. Il nous parle également dans ce Coran du contraire du tawhid, qui est le polythéisme. Et il nous décrit dans le Coran leur mauvaise fin et le châtiment douloureux qu'ils subiront dans l'au-delà par la cause du polythéisme. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans un verset dont le sens est « Et celui qui associe quoi que ce soit à Allah, eh bien il est semblable à une personne qui a été jetée du haut des cieux et puis qu'ensuite qui a été arrachée par les oiseaux ou encore à une personne qui a été enlevée ou qui a été envolé par les vents jusqu'à un endroit très lointain sur terre. » Il dit également Jalla wa Ala dans un autre verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne moins que cela à qui il veut, c'est-à-dire il pardonne pour moins grave que le polythéisme à qui il veut. والأوامر والنواهي في القرآن ولزوم الطاعات وترك المحرمات التي يشير إليها القرآن إنما هي حقوق من حقوق التوحيد ومكملاته. Et enfin, le Coran al-Karim nous parle également de tout ce qui est obligation et interdiction, de tout ce qui est licite ou illicite, de tout ce qui est recommandé ou encore détestable. Et cela fait partie également des choses qui complètent le tawhid de la personne. والله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بالتوحيد ليعرفوه ويؤمنوا به ويعتنقوه. وقد قص لنا ذلك تبارك وتعالى على لسان بعض أنبيائه كما قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وكل نبي كان يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويقول تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Également, le tawhid, Allah Jalla wa Ala, dans le Coran al-Karim, il n'interpelle pas avec seulement les croyants, mais également les non-croyants. Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim interpelle les non-croyants en leur parlant du tawhid. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils y croient et pour qu'ils embrassent ce tawhid et cet islam. Et Allah Jalla wa Ala nous a raconté comment certains prophètes, alayhim salatu wa salam, invitaient leur peuple à la soumission à Allah Azza wa Jal. Il nous raconte à titre d'exemple à propos de certains prophètes dans un verset dont le sens est « Enfouillez-vous vers Allah, je suis pour vous un avertisseur, et ne donnez pas à Allah un quelconque associé dans l'adoration. Je suis certes pour vous un avertisseur et un bon annonciateur. » Et chaque prophète a dit à son peuple « Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est lui. » Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, « Et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager, sans lui révéler qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, sauf moi. Adorez-moi donc. » « وَأَحْيَانًا يُخَاطِبُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِدِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا وَلِيَطْمَئِنُوا لِتَحْقِيقِ تَوْحِيدِهِمْ وَلِيَحْذَرُوا النَّقْصَ فِيهِ وَالْخَلَلِ فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولما ذكر سبحانه صفات المؤمنين قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولما تحدث عن المؤمنين الموعودين بالتمكين في الأرض قال جل وعلا وصفا لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Et parfois Allah جل وعلا il interpelle par ce tawhid les croyants qui sont déjà sur le tawhid pour que leur foi augmente et pour qu'ils s'apaisent dans ce dans quoi ils sont et afin de les pousser à déployer encore plus d'efforts dans ce tawhid. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim dans le sens du verset ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager et au livre qu'il a fait descendre auparavant. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala parle des croyants, il les décrit comme étant comme dans le verset, ce sont ceux qui n'invoquent personne avec Allah. Et dans un autre verset, où Allah Azza wa Jal décrit les croyants à qui il a promis la sécurité totale, il a dit, subhanahu wa ta'ala, à condition qu'il m'adore et qu'il ne m'associe rien. Ibad Allah, wa laqad khatab Allah tabaraka wa ta'ala hatta anbiya'ahu wa rusula binabdi shirki wal bara'ati minh wa min ahlihi wal i'radu anhuma faqala subhanahu ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Serviteur d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné aux croyants et aux non-croyants le tawhid seulement, mais même à ses propres messagers et prophètes alayhim salatu wassalam, même eux étaient concernés par cet ordre qui est le tawhid et par cette grande interdiction qui est le polythéisme. Allah Jalla wa Ala nous raconte à propos de Ibrahim ainsi que de Yaqub alayhim salam dans le sens du verset, Ibrahim a laissé cette grande recommandation dans sa descendance ainsi que Yaqub en disant à leurs enfants, Allah a élu pour vous la religion. Ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à Allah. Ou plutôt, étiez-vous présent lorsque la mort est survenue à Yaqub et qu'il a dit à ses enfants, qu'allez-vous adorer après moi? Ils répondirent, nous allons adorer ton Seigneur et celui de tes ancêtres, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une seule divinité, et nous sommes soumis à lui. Wa qala ayda, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال أيضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Il a également dit جل وعلا dans un autre verset, et nous t'avons révélé à toi ô Muhammad comme nous avons révélé à ceux avant toi, si tu venais à commettre le polythéisme, tous tes actes deviendraient nuls et vains. et tu feras partie des perdants. Plutôt n'adore qu'Allah et sois parmi les reconnaissants. Et il dit également Jalla wa'ala dans un autre verset dont le sens est « Dis-leur, ô Mohammed, il ne m'a été ordonné que d'adorer Allah et de rien lui associer. C'est vers lui que j'appelle et c'est vers lui que je reviens. » Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومما يبين هذا التوحيد الذي به النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ومما يفسر شهادة أن لا إله إلا الله، قول ربنا في محكم التنزيل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Serviteur d'Allah, parmi ce qui éclaircit encore plus le sens du tawhid et parmi ce qui explique de la meilleure des manières le sens de la ilaha illallah, c'est la parole d'Allah Jalla wa'ala, dont le sens est: dis-leur, ô Mohammed, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. En effet, ces divinités-là ne peuvent en aucun cas ni vous débarrasser de vos maux, ni même les déplacer ou les repousser. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, eux-mêmes espèrent le rapprochement d'Allah, et eux-mêmes espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. إن هذه الآية الكريمة معشر الإخوة نزلت في من يعبد الملائكة والأنبياء وقيل أنها نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك الجن وبقي من يعبدهم على عبادته ولا منافاة بين القولين. فإن هذه الآية الكريمة عامة في من يدعو غير الله تبارك وتعالى مع أن ذلك المدعو صالح في نفسه. Ce verset, mes chers frères, il a été rapporté qu'il est descendu afin d'avertir les gens qui adoraient les anges et les prophètes. Et selon un autre avis rapporté depuis un prédécesseur, ce verset est descendu pour faire allusion à un peuple qui adorait un groupe de djinns. Et par la suite, ce groupe de djinns a embrassé l'islam. Et ces polythéistes-là sont restés sur leur adoration. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Car ce verset est général et il met en garde contre l'adoration et l'invocation de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, et ce même si ces créatures-là sont pieuses. فقد بينت هذه الآية الكريمة أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء وقبور الصالحين خلق من خلق الله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ولا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد فكيف يدعون مع الله. ففي هذه الآية بطلان وعبادة غير الله تبارك وتعالى. فهل العابد الخائف الراجي رحمة الله يستحق أن يعبد ويتخذ إلها؟ Ce verset a donc clairement démontré que ceux qui invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les pieux tels que les anges ou les prophètes ou encore les tombes des saints, ce verset montre clairement que ces créatures-là ne sont que de simples créatures d'Allah et qu'eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah et espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment et qu'ils ne sont capables ni de protéger d'un quelconque mal ni même de le repousser ou de le déplacer. Comment donc est-il possible d'admettre qu'ils soient invoqués ou implorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le serviteur pieux qui cherche à se rapprocher d'Allah, qui espère sa miséricorde et craint son châtiment, est-ce que cette créature mérite d'être prise comme divinité en dehors d'Allah Jalla wa Ala? Bien sûr que non. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتا أو غائبا كما هو كثير عندنا يا أما يا أبويا يا ولد عمي يا سيدي عبد القادر هذا كثير عندنا. قال الشيخ: فكل من دعا نبيا أو غائبا أو ميتا فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن. انتهى. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ce verset interpelle toute personne qui invoque une quelconque chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce, même si cette créature qu'il invoque espère la miséricorde d'Allah et se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toute personne donc qui invoque autre qu'Allah parmi les morts ou les absents, entre parenthèses, comme cela est fréquent chez nous, dans notre peuple, on entend beaucoup de personnes dire autour de nous, Yamma, oh ma mère, Yabouya, oh mon père, oh mon cousin, oh mon maître Abdel Qadr, et ce genre de paroles qui font partie du polythéisme. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue en disant, toute personne qui implore l'aide d'un prophète ou d'un absent ou d'un mort, toutes ces personnes-là sont concernées par ce verset. Tout comme ont été concernés les gens qui ont invoqué les anges et les djinns. وكل من أشرك بالله شركا أكبر لم تصح له عبادة. فقريش مثلا كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله ويعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولكنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم. ففعلهم هذا أي دعاؤهم غير الله كوسيط بينهم وبين الله أفسد جميع عباداتهم. Toute personne donc qui malheureusement tombe dans le polythéisme majeur, eh bien toute adoration qu'il accomplira après ce polythéisme majeur ne sera pas acceptée de lui tant qu'il ne se sera pas repenti du polythéisme majeur. Quraysh maintenant était un peuple qui faisait le hajj, qui faisait l'umrah, qui donnait l'aumône, qui maintenait les liens de famille, qui donnait beaucoup de valeur aux invités, qui évoquait Allah, qui reconnaissait qu'Allah était le créateur, celui qui donnait la subsistance, celui qui gère l'univers. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le sens du verset, et si tu leur demandais, oh Muhammad, qui vous a créé, ils te répondront très certainement c'est Allah. Mais quel est le souci donc? Le souci est qu'ils mettaient des intermédiaires entre eux et Allah, parmi les pieux et les créatures rapprochées d'Allah. Ils les invoquaient, ils sacrifiaient pour eux, tout cela pour qu'ils transmettent leurs invocations à Allah. Et ça, c'est le polythéisme en soi. Et tous ces actes-là, qui est le fait d'invoquer autre qu'Allah, afin qu'ils soient intermédiaires entre eux et Allah, eh bien, il a fait tomber tous leurs actes d'adoration. Et il a annulé tous leurs actes d'adoration. وقد دعا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين إلى إفراد الله تعالى بالعباد فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله فالمشركون الأوائل عرفوا معنى هذه الكلمة فامتنعوا عن قولها وذلك على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله صباح مساء ولا يعرفون معناها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité ces polythéistes-là à l'unicité d'Allah jalla wa ala. Et il leur disait, dites juste la ilaha illallah, vous réussirez. Et ils refusaient. Ils refusaient. Pourquoi? Car ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris qu'ils devront délaisser toutes les divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce, contrairement à beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam aujourd'hui. Ils disent la ilaha illallah matin et soir, mais ils n'en connaissent pas le sens. فَتَجِدُ بَعْضَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَمَعَ ذَلِكَ يَدْعُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمُ الْمَدَدَ وَكَشْفَ الْكُرُبَاتِ وَيَذْبَحُونَ وَيَنْذُرُونَ لِقُبُورِهِمْ بَلْ وَقَدْ يَطُوفُونَ بِقُبُورِهِمْ فَوَقَعُوا فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَابَهُ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَائِلَ ولذلك يقول بعض أئمة التوحيد والسنة فلا خير في رجل الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. Tu remarqueras que beaucoup parmi cette communauté prononcent cette belle parole qui est la parole de l'unicité. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj, ils donnent la sadaqa, et malgré cela ils invoquent des prophètes, ils invoquent des hommes pieux, ils invoquent des tombes, ils tournent autour des tombes. Ils sont donc tombés dans la plus grande chose que leur prophète leur a interdit et ils se sont fait ressembler aux polythéistes que leur prophète a affronté. C'est pour cela que certains grands savants du monothéisme et de la sunna ont dit « Il n'y a aucun bien dans une personne ». Donc les polythéistes ont mieux compris que lui et ont été plus connaisseurs du sens de la ilaha illallah que lui. فَيَا مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَمَسَّكُوا بِتَوْحِيدِهِ فَإِنَّ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ نَالَ الْأَمْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قال ربنا جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Chaque croyant, craignez donc Allah Azza wa Jal et accrochez-vous à ce tawhid. Et sachez que celui qui s'accroche au tawhid sera en sécurité dans la vie d'ici-bas et dans le-delà. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le sens du verset, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas attaché leur foi d'une quelconque injustice et d'une quelconque forme de polythéisme, ceux-là seront en sécurité et seront bien guidés. وَلَا يَغُرَّنَّكَ انْتِشَارُ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَالشِّرْكِيَاتِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ غُرْبَةَ الدِّينِ قَدْ اسْتَحْكَمَتْ فِي الْقُرُونِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَعُبِدَ الْأَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبُنِيَتِ الْقِبَابُ عَلَى قُبُورِهِمْ وَطِيفَ حَوْلَهَا مِنْ أُنَاسٍ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ وَلَكِنْ قَدْ غَرَّهُمْ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ قد غرهم دعاة الضلالة والباطل الذين يصفون أنفسهم بأنهم أولياء لله من دراويش الصوفية وغيرهم. Et ne te laisse pas avoir et ne te laisse pas tromper par les choses blâmables et les sortes de polythéisme qu'on va propager dans les pays des musulmans. Et sache que la religion d'Allah est devenue très étrange à notre époque et elle ne fera que continuer dans cette étrangeté. En effet, beaucoup de musulmans à l'heure actuelle adorent des saints en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils construisent des mausolées au-dessus de leur tombe et tournent autour de leur tombe comme ils tournent autour de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Ils les adorent en dehors d'Allah. Pourtant, ces personnes-là, ils font la salat, ils donnent la zakat, ils font le hajj, mais ils se sont fait avoir par des prêcheurs du faux. Ils se sont fait avoir par des égarés, des prêcheurs du faux qui prétendent être les alliés d'Allah. Parmi Sophia et d'autres encore. فلا تسمعوا لهؤلاء الأولياء المزعومين. واعلموا أن لكم الحجة عند الله بالغة وهي أن العبادة لا تصح إلا لله. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Et enfin, n'écoutez pas ces prêcheurs du faux qui vous invitent vers autre que l'islam. Et sachez que vous avez une preuve assez solide face à ce genre d'égarement. Vous avez une preuve assez solide qui est que seul le Créateur a le droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous de la parole d'Allah dont le sens est, dis-leur à Mohammed, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion pure et monothéiste qui est celle de Ibrahim. En effet, il était purement monothéiste et ne faisait pas partie des polythéistes. Fallahumma ya hayyu ya qayyum, ya dal jalal wal ikram. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلاح حي على الفلاح قد قامت السلاح.